Youssef Lagziwi, responsable innovation chez Locam. Bonjour à tous et à toutes. Il y a des personnes que je n'ai pas pu voir aujourd'hui, donc j'ai pas pu présenter le modèle Locam. Alors tout d'abord, merci à Sim pour cette invitation. Le but aujourd'hui, c'est qu'on puisse présenter les ingrédients pour réussir un passage d'une économie de propriété à une économie d'usage. Donc comme j'ai pu l'expliquer ce matin, passer d'un modèle où on vend un DVD à 35 euros, un modèle Netflix où on vend un service pour 15 euros par mois, tout en ayant accès à quasiment tout ce qui existe en film et en série, en documentaire, et en illimité, en les partageant avec, en plus, sur 5 écrans. Donc on ne le fait pas avec les particuliers, donc on le fait qu'avec les entreprises, donc on est dans une démarche B2B, d'abord avec des partenaires, donc comme vous, et aussi avec les clients de nos partenaires, donc on est en B2B. Je commence avec un premier chiffre qui n'est pas très étonnant, c'est que 77% des Français préfèrent l'usage à la possession, préfèrent utiliser un matériel plutôt qu'à posséder sa propriété. C'est un chiffre qui a été communiqué par l'Observatoire de la consommation, c'est un chiffre qui n'est pas étonnant lorsqu'on voit un peu le cas Netflix, le cas Deezer et d'autres cas qu'on observe sur le marché. L'un de ces cas, c'est justement la vente de voitures. Depuis quelques années, on voit un acteur débarquer sur ce marché de l'usage qui est en fait le constructeur de voitures. On ne souhaite plus vendre une voiture, on souhaite vendre une solution de mobilité. C'est-à-dire pour 189 euros par mois, un prix qui est fixe, proposer une solution de mobilité qui est une voiture. Donc bien sûr, on choisit ses caractéristiques avec des éléments qui sont inclus, comme l'entretien, ou comme les garanties, les assurances. Donc le but, c'est que pour le client, proposer une solution qui est packagée, avec un prix fixe, le client sait qu'en payant 189 euros par mois, il aura sa voiture quoi qu'il arrive. Qu'il y ait un accident, qu'il n'y ait pas d'accident, il est couvert, entretien réalisé et autres. Ce n'est pas le type de cas que nous allons aborder aujourd'hui, puisque nous sommes plutôt sur des cas industriels. Alors, je vais commencer donc par une présentation de Locam, maintenant que j'ai introduit un peu le sujet. Locam, c'est une entreprise qui existe depuis plus de 40 ans. Et depuis 40 ans, on teste des modèles où on essaie en fait de transformer les modèles de vente d'entreprise en modèles d'usage. Alors, l'anecdote que je n'ai pas racontée ce matin et que je vais plutôt citer maintenant, c'est que nous avons tellement testé que nous sommes arrivés à un certain moment dans les années... fin des années 80-90, nous avons été un peu les précurseurs de adoptamec.com, puisque nous avons financé, avant que l'entreprise ne soit rachetée par Crédit Agricole, des prestations matrimoniales. Et donc l'anecdote, c'est qu'on avait des clients qui appelaient, qui nous disaient le partenaire de prestations matrimoniales nous a promis une brune, j'ai eu une blonde, donc je ne suis pas satisfait, j'arrête de payer Locam. Donc voilà, c'est un peu l'anecdote qu'on a eue. Donc on a arrêté de faire ça, bien sûr, surtout lorsqu'on est passé sous gérant du Crédit Agricole. On est allé sur des sujets beaucoup plus sérieux. Donc nous traitons plus de 277 000 demandes de financement par an. Une demande de financement, en fait, c'est une voiture, typiquement, pour un volume de 1,5 milliard d'euros, dont on met en place réellement 500 millions d'euros, parce qu'on a des clients qui veulent faire autre chose. De ces 500 millions d'euros de financement qu'on met par an, 30% sont accordés à des gens entreprises de moins de 3 ans d'existence. Et justement, c'est quelque chose que permet l'usage. Lorsqu'on vend une propriété, le prix d'entrée peut être assez important, c'est-à-dire les 25 000 euros d'une voiture. Autant lorsqu'on travaille sur un loyer, 189 euros, c'est plus accessible. Voilà un peu pour présenter Locam. Comment est-ce qu'on transforme les modèles des entreprises? Donc on rencontre des partenaires comme vous, avec lesquels on travaille sur le modèle, donc de la proposition de valeur jusqu'à les objectifs des commerciaux, parce qu'il y a aussi des contraintes assez énormes en termes, quand on veut changer la manière d'objectiver les commerciaux, quand on vend un produit, on ne met pas le même objectif que lorsqu'on propose un produit à l'usage. Ce n'est pas la même typologie d'objectif, et du coup on travaille un peu sur tous ces aspects. On met des services associés, parce que c'est très important. Ça permet de fidéliser le client. Quand on met en place une machine, c'est un exemple que je vais citer, une machine de découpe, si on met en place un service de maintenance de la machine, le client perçoit encore plus la valeur de son partenaire et de l'économie d'usage. Donc, vous, partenaires, vous commercialisez votre solution auprès de vos clients, à travers des offres packagées, bien sûr, et, et qui sont travaillés avec nous. Le client paye sous forme de loyer. Et l'avantage, qu'on va citer après, c'est que vous, vous recevez le paiement des 25 000 euros de la voiture en moins de 24 heures. Tous les éléments de maintenance, de conseil, de consommables sont après prélevés auprès du client et vous sont reversés mois par mois. On va revenir un peu de manière plus détaillée sur ce sujet. Donc on va prendre cet exemple-là de machine de découpe. Donc c'est l'exemple d'un partenaire qui a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine. Et parmi ces gammes de produits, il vend une machine qui est 20% plus rapide que celle de ses concurrents. Le problème qui se pose, et qu'on va aborder, c'est que vous connaissez tous, c'est que lorsqu'on se pose sur un marché avec un prix comptant, ben on sait que le concurrent le vend, nous on le vend 10 000 euros, le concurrent le vend 9 900 euros, un autre le vend 9 950 euros, et du coup on rentre dans un jeu concurrentiel où on doit tirer vers le bas nos marges. Et on connaît plusieurs entreprises, dont les gérants avec lesquels on travaille aujourd'hui, qui ont réussi, qui ont déposé à plusieurs fois le bilan, à cause de ces traitations liées à la concurrence. Donc on passe à un modèle, au lieu de vendre cette machine à 10 000 euros, on va la vendre 550 euros par mois, sur 20 mois par exemple, ce qui est l'équivalent de 3 jours de découpe ou une seule commande client. Donc pourquoi on dit ça? Parce que dans l'esprit du client, quand il va contracter en fait cette machine de découpe pour 550 euros par mois, il sait qu'il va la rentabiliser après 3 jours d'utilisation de la machine ou à travers une moyenne de commande client. J'ai pas encore appris le sens. Donc, maintenant, le but, c'est de comparer entre l'économie d'usage et l'économie de la propriété. Quels sont les inconvénients, les avantages de l'un et de l'autre ? À travers 3 prismes, le prisme financier, le prisme de gestion des flux et le prisme de fin de vie, qui est quelque chose juste de très important dans l'économie d'usage. C'est ce qui crée quasiment le plus de valeur pour les partenaires. Tout d'abord, quand vous vendez un bien pour 10 000 euros, donc la machine de découpe, l'avantage c'est que vous avez de la trésorerie instantanée. Donc vous avez un prix de revient de 9 500 euros, vous encaissez tout de suite 10 000 euros, vous avez 500 euros de marge, vous avez tout de suite votre trésorerie qui est encaissée. L'inconvénient, c'est l'effet de la concurrence, j'en ai parlé. Ça rend facile la comparaison des prix. En fait, vous aurez tendance à tirer vos coûts de revient vers le bas. Vendre un usage, c'est très différent. Vous avez un gros inconvénient, c'est que vous avez un coût de revient de 9 500 euros, sauf que le premier mois, vous allez encaisser seulement 550 euros. Ça, c'est lorsque vous le faites tout seul, c'est lorsque vous ne passez pas par les entreprises comme Locam. L'avantage, c'est que vous faites de l'upsell. Ça veut dire que contrairement à lorsque vous vendez une machine comptant, vous ne pouvez pas vendre 2 ans de maintenance tout de suite. Donc, vous pouvez vendre de la maintenance à côté, du conseil aussi, parce que quand on parle de machine de découpe, vous pouvez intégrer une dimension conseil que vous n'aurez pas avec de la vente, c'est-à-dire comment ne pas user vos lames, comment faire en sorte que votre chaîne de production ne s'arrête pas très souvent. C'est une relation win-win entre le partenaire et le client. Vous générez de meilleures marges, tout simplement parce que vous n'êtes pas dans un jeu de comparaison. Le client n'a jamais connaissance de ce que c'est que 10 000 euros. Donc en fait, si on 10 000 euros sur 20 mois, ça fait 500 euros par mois. En fait, vous pouvez augmenter votre prix à 600 euros, à 700, fonction de ce que vous proposez au client. Et généralement, quand on commence à travailler avec des partenaires, quasiment tous augmentent leur prix de manière assez significative. Bah, l'inconvénient, c'est le déséquilibre de trésorerie, parce qu'en fait, vous décaissez 9 500 euros de coûts de revient, mais vous encaissez uniquement 550 euros le premier mois. Et puis vous avez les coûts des impayés, parce que contrairement à d'autres modèles économiques comme celui de Netflix, ben Netflix, quand le client ne paye pas, il coupe le cordon. Sauf que vous avez mis une machine chez votre client. C'est difficile d'aller docker chez votre client, puis récupérer la machine, c'est une logistique. Donc vous devez gérer les impayés clients, parce que vous vous engagez des clients sur plusieurs mois. Je vais raccourcir ma présentation pour rentrer dans le timing. Donc à ces deux inconvénients, Locam peut répondre, c'est-à-dire que Locam vous paye sur 24 heures le montant global de votre investissement, c'est-à-dire les 9 500 euros de coûts de revient plus la marge que vous allez déterminer. Ça, c'est libre à vous de déterminer votre marge. Et puis Locam gère tous les impayés. Pourquoi? Parce que Locam met en place un algorithme qui est basé sur l'IA, qui est basé sur pas mal de choses, qui permet de sélectionner de manière précise les clients. Aujourd'hui, il n'y a aucune banque sur le marché qui a une part de financement des entreprises jeunes de 30%. Donc, on a une vraie expertise des professionnels, ce qui nous permet de financer beaucoup les entreprises jeunes. On a même des mécanismes de garantie, des mécanismes d'amortissement du risque, chose dans laquelle je n'entrerai pas aujourd'hui. mais qui nous permet vraiment de financer une large gamme de clients, même les plus risqués. Encore une fois, parce qu'on est dans un prisme d'économie d'usage. Donc le client ne va pas décaisser 10 000 euros, il va juste décaisser 189 euros par mois. Il y a, d'un point de vue gestion des flux, plusieurs avantages et inconvénients dans l'une ou l'autre méthode de vente. Dans la vente d'une propriété, l'avantage, c'est que vous n'avez pas de flux à gérer. Sinon, la commande et la vente, c'est les deux seuls flux que vous gérez. Les inconvénients, c'est que vous n'avez pas de relation durable avec votre client, comme peut le faire Netflix. Aucune personne ne peut se rappeler, hein, sauf à de rares cas, où est-ce que vous avez acheté votre DVD de 35 euros que vous gardez depuis 10 ans sous la télé. Mais vous savez toujours comment accéder à Netflix. C'est un peu la même logique. Vous rentrez dans une économie d'usage, du coup vous savez, le client sait qu'il est en relation avec vous durable parce que vous lui apportez du conseil, du consommable, de la maintenance, et du coup vous rentrez dans une logique de fidélisation avec lui. Les avantages du fait de vendre un usage, c'est que vous avez des revenus récurrents. Et là, on sait tous qu'il y a dans certaines activités des creux en termes de périodicité où en fait vous avez par exemple un mois où vous allez vendre moins. Ce qui est intéressant dans l'économie d'usage, c'est que vous allez lisser ces périodes de creux. Pourquoi ? Parce que vous aurez un revenu récurrent lié à la maintenance, lié au consommable, lié à l'assurance. C'est des choses qui vont vous être reversées chaque mois. Donc vous allez lisser la réception de ces revenus. Vous avez une relation constante avec le client. Il y a des inconvénients, c'est que pour mettre en place ça, il faut vous faire un vrai système d'information assez poussé pour pouvoir prévenir le client, isoler les flux entre flux qui vient rémunérer le produit que vous avez construit, flux qui rémunère la maintenance, flux qui rémunère l'assurance, et ainsi de suite. Donc local, bien sûr, un système d'information qui peut répondre à ça. Nécessité de mettre en place un processus de recouvrement, donc local, un processus de recouvrement assez efficace avec 70% de recouvrement en premier impayé. Et vous aurez besoin d'un système de scoring client, ce qu'on sait faire depuis 40 ans. Il y a l'aspect gestion de fin de vie qui est un peu l'aspect qui est préféré chez moi parce que c'est ce qui génère le plus de valeur en fait. Que ce soit d'un point de vue écologique, d'un point de vue environnement ou d'un point de vue valeur financière. Pourquoi ? Quand vous êtes dans une vente de propriété, vous allez vendre aujourd'hui à J votre bien, vous n'allez revoir le client que d'ici 3, 4 ans ou même plus, selon les cycles de vie du matériel. Donc vous êtes dans une logique de process de renouvellement très difficile parce que le client aura déjà été prospecté par 2000 de vos concurrents. C'est une logique qui est nocive à l'environnement. On sait à quel point la société aujourd'hui observe comment les entreprises, dès la production, anticipent la phase de fin de vie. Quand vous êtes dans une économie d'usage, c'est différent parce que le client ne sera jamais propriétaire de son bien. Donc vous avez une valeur qui est liée au recyclage. Et j'ai changé avec une personne tout à l'heure. Xerox, lorsqu'elle vend un copieur, 70% des copieurs qu'elle vend sont issus d'anciens copieurs qu'elle a récupérés en fin de vie. 70%. Donc imaginez les économies, l'impact sur l'environnement. Donc c'est une démarche justement écologique et durable. Ça génère des revenus importants sans coût de revient. Lorsqu'on est dans l'usage, la logique est très différente. Parce qu'on a dit que vous allez payer le client va payer 500 euros sur 20 mois. Vous, le prix de votre produit est 10 000 euros. Lorsqu'il arrive au 20e mois, vous avez récupéré votre argent. Vous allez récupérer avec Locab au bout de 24 heures. Sauf que le client, s'il utilise le bien le 21e mois, le 22e mois, le 23e mois, ainsi de suite, parce que tout simplement, la machine lui convient, il n'a pas envie de changer, tous ces revenus-là vont vous revenir à vous. Et c'est là où ça crée vraiment le plus de valeur. Vous avez déjà amorti votre coût de revient. Tous les mois payés en plus, c'est tout bénéf pour le partenaire. Et donc là, c'est des systèmes qui permettent de gérer l'OCAM à travers même des alertes, puisque 6 mois avant la fin de vie, enfin la fin de vie programmée hein, du contrat, vous pouvez aller voir le client pour lui dire « Ça fait 3 ans que je suis en train de mener une démarche de recherche et développement, j'ai développé une nouvelle machine qui remplace la version que vous avez, et puisqu'on est déjà lié par un contrat, je vous propose, sans rien changer, de changer votre machine. » Vous allez recevoir un nouveau flux de 10 000 euros, tout de suite. Sauf que le client, ça ne lui changera rien, puisqu'il continuera à payer 550 euros par mois. Donc pour le client, je paye un loyer fixe par mois, j'ai une nouvelle machine à la place, et rien ne change pour moi. Donc là, j'ai déjà un peu abordé ces sujets-là. les avantages de travailler avec l'OCAM sur ce type de sujet de transformation des modèles. Et avant d'arriver aux avantages pour le client, en fait, c'est on travaille sur plusieurs secteurs, de l'industrie à la distribution simple et au logiciel. Donc, j'ai juste un exemple assez simple à citer, qui est une entreprise avec laquelle on travaille, qui conçoit des logiciels pour les collectivités, pour mieux agencer les stands sur les marchés de ville. Donc vous savez que sur ce type de marché, vous savez que sur ce type de marché, la collectivité touche à peu près 30 euros par stand. Et cette entreprise-là avait beaucoup de mal à commercialiser son produit. Parce qu'elle est partie voir la collectivité, elle leur a dit, bon, moi, mon logiciel coûte 10 000 euros. Est-ce que vous pouvez l'acheter ? La collectivité a dit, pas de budget, 10 000 euros, c'est trop à encaisser tout de suite. Du coup, ils sont venus voir l'OCAM, mais on a travaillé avec eux sur un modèle d'usage pour dire, ben, vous mettez à disposition votre logiciel auprès de la préfecture pour l'équivalent de 10 euros par jour. Du coup, quand vous partez voir la préfecture, la collectivité, en leur disant, pour un stand, vous touchez 30 euros par jour. Juste un seul stand, sachant qu'on a une vingtaine, on a une trentaine. Nous, ce qu'on vous propose, c'est que pour chaque marché, vous allez payer juste 10 euros l'usage de ce logiciel-là, incluant la maintenance, la maintenabilité, les mises à jour et les mises à niveau des versions. Et du coup, on distribue depuis quelques mois cette solution auprès des collectivités. Quels sont les avantages maintenant pour le client ? Parce que le client est au cœur de ce modèle. Bah, tout d'abord, il préserve sa trésorerie. Ça, je l'ai déjà évoqué. Donc, il paie en une petite mensualité. On sait qu'il y a pas mal de problèmes de trésorerie aujourd'hui dans les entreprises. C'est un système inclusif qui permet au client de se concentrer sur son cœur de métier. On a évoqué l'exemple de la machine à découper. Bah, au lieu que le client ait un prestataire qui va faire la maintenance, des collaborateurs qui vont faire de la maintenance, en fait, c'est le fournisseur qui s'en occupe. Lui, il paye juste un loyer, il n'a pas à soucier de la maintenance. La dimension conseil, je l'ai évoqué. Donc, comment ne pas user les lames ? Donc, vous allez fournir en tant que partenaire moins de consommables en lames et vous allez donner des conseils à votre client pour que sa chaîne de production s'arrête le moins possible. Donc, encore une fois, c'est une relation win-win entre vous et votre client. Et puis, ça permet au client d'avoir une excellente visibilité sur ses coûts. On travaille sur des modèles, par exemple, dans l'hôtellerie. Au lieu que l'hôtel ait un acheteur qui va, de manière séparée, acheter le lit, acheter la télé, acheter le consommable pour la salle de bain pour les clients, en fait, on a construit un modèle inclusif qui dit votre chambre que vous proposez à vos clients coûte 280 euros par jour. Vous louez votre chambre à 100 euros par nuit. Donc, au bout de 3 nuits, vous avez rentabilisé tout ce que vous avez mis dans cette chambre. Une petite success story, je pense que vous avez pour terminer, que vous connaissez très bien. Je pense que vous avez déjà vu des machines sympas chez les Carrefour, Carrefour Market ou Leader Price ou autre. Donc c'est un partenaire qui avait beaucoup de mal à commercialiser son produit, tout simplement parce que ce produit-là coûte 4000 euros, il y en a un autre qui vend le même à 3500, l'autre à 3200, et en occasion, il coûte 900 euros. Donc on a construit un modèle avec lui qui dit, bah, vous mettez à disposition des Carrefour, des Monoprix et autres, la machine à jus, avec tout ce qu'il faut, c'est-à-dire avec les oranges. Le client vient, il presse son jus, il part avec. Au bout de 3 jus par jour vendus, vous avez rentabilisé votre produit. Du coup, au lieu de faire rentrer le client dans une logique, j'ai vu que la machine d'occasion coûtait 900 euros d'occasion sur le bon coin, bah, on lui fait rentrer dans une logique où on lui dit pour 10 euros par jour payé pour la machine, tout inclus, maintenance, réparation, assurance, vous avez une super machine que vous rentabilisez au bout de 3 jours. Donc voici un peu ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'ai raccourci un peu la présentation. Donc maintenant, place aux questions, si vous avez des questions.